Bonjour. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, je vais parler de la délivrance de l'alcool. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. » Les pécheurs d'habitude sont certainement les plus grands malheureux de ce monde. Celui qui est aux prises avec une addiction est un mort qui marche. En parlant de l'alcool, William Shakespeare a écrit « L'homme met un ennemi dans sa bouche qui lui vole son cerveau. Tous les alcooliques ont besoin de délivrance divine. » Parce que cette chaîne est impossible à briser pour un homme. Pour être libéré de l'alcool, nous devons faire appel à quatre choses obligatoires. Premièrement, nous devons admettre notre totale impuissance devant l'alcool et que nous avons perdu la maîtrise de notre consommation. L'alcoolique ne redeviendra jamais un buveur social. Il doit cesser toute consommation. Deuxièmement, il faut nous jeter sur nos genoux et demander la grâce de la délivrance au Seigneur. Jésus a dit « Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Lorsque vous aurez fait ces deux premières étapes, la grâce entrera en vous et la soif vous quittera. Troisièmement, il vous faut être libéré de votre passé. Vous allez dresser la liste de toutes les personnes que vous avez lésées durant votre consommation et éventuellement, quand vous vous sentirez prêt, vous allez aller faire des amendes honorables et les excuses qui sont dues à chacun. De cette façon, vous libérerez votre conscience du fardeau qui pèse sur elle. Quatrièmement, vous allez voir un médecin qui sait comment prescrire les médicaments suivants contre l'alcoolisme, le baclofène, le Revia et le gabapentin. Ces médicaments vous rendront indifférent à l'alcool et vous permettront de rester libéré. La Bible dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Notre combat n'est pas contre l'alcool, ce serait un combat perdu d'avance. Le seul combat que vous êtes appelé à combattre est le combat de la foi. Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. » Si vous avez été touché par ce message et que ce programme vous intéresse, fermez les yeux et priez avec moi. Jésus, je suis Lazare dans son tombeau. Seule ta puissance peut me rendre la vie et la liberté. Pardonne-moi tous mes égarements. Efface tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Libère-moi de la tyrannie de l'alcool afin que je vive en accomplissant ta volonté à chaque jour. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.